Grandeur de l'homme. Texte de Blaise Pascal du livre Pensée, édité en 1670. Lu par Charles Deleuze pour audiocité.net. Audiolivre gratuit. Enregistré en 2020. Pensée 23. Grandeur de l'homme. Je puis bien concevoir un homme sans mains, sans pieds. Et je le concevrais même sans tête, si l'expérience ne m'apprenait que c'est par là qu'il pense. C'est donc la pensée qui fait l'être de l'homme, sans quoi on ne le peut concevoir. Qu'est-ce qui sent du plaisir en nous? Est-ce la main? Est-ce le bras? Est-ce la chair? Est-ce le sang? On verra qu'il faut que ce soit quelque chose d'immatériel. L'homme est si grand que sa grandeur paraît même en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. Il est vrai que c'est être misérable que de se connaître misérable. Mais c'est aussi être grand que de connaître qu'on est misérable. Ainsi, toutes ces misères prouvent sa grandeur. Ce sont misères de grands seigneurs, misères d'un roi dépossédé. Qui se trouve malheureux de n'être pas roi, sinon un roi dépossédé? Trouvait-on Paul-Émile malheureux de n'être plus consul? Au contraire, tout le monde trouvait qu'il était heureux de l'avoir été, parce que sa condition n'était pas de l'être toujours. Mais on trouvait Persée si malheureux de n'être plus roi, parce que sa condition était de l'être toujours. Qu'on trouvait étrange qu'il pût supporter la vie, qui se trouve malheureux de n'avoir qu'une bouche, et qui se trouve malheureux de n'avoir qu'un œil. On ne s'est peut-être jamais avisé de s'affliger de n'avoir pas trois yeux, mais on est inconsolable de n'en avoir qu'un. Nous avons une si grande idée de l'homme, que nous ne pouvons souffrir d'en être méprisés. Et de n'être pas dans l'estime d'une âme. Et toute la félicité des hommes consiste dans cette estime. Si d'un côté cette fausse gloire que les hommes cherchent est une grande marque de leur misère et de leur bassesse, c'en est aussi de leur excellence. Car quelque possession qu'il ait sur terre, de quelque santé et commodité essentielle qu'il jouisse, il n'est pas satisfait s'il n'est dans l'estime des hommes. Il estime si grande la raison de l'homme que quelque avantage qu'il ait dans le monde, il se croit malheureux s'il n'est placé aussi avantageusement dans la raison de l'homme. C'est la plus belle place du monde. Rien ne peut détourner de ce désir. Et c'est la qualité la plus ineffaçable du cœur de l'homme. Jusque-là que ceux qui méprisent le plus les hommes et qui les égalent aux bêtes en veulent encore être admirés et se contredisent à eux-mêmes par leurs propres sentiments. Leur nature qui est plus forte que toute leur raison les convainquant plus fortement de la grandeur de l'homme que la raison ne les convainc de sa bassesse. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Ainsi, toute notre dignité consiste dans la pensée. C'est de là qu'il nous faut relever, et non de l'espace et de la durée. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Il est dangereux de trop faire voir à l'homme combien il est égal aux bêtes, sans lui montrer sa grandeur. Il est encore dangereux de lui faire voir sa grandeur sans sa bassesse. Il est encore plus dangereux de lui laisser ignorer l'un et l'autre. Mais il est très avantageux de lui représenter l'un et l'autre. Que l'homme donc s'estime son prix, qu'il s'aime, car il a en lui une nature capable de bien, mais qu'il n'aime pas pour cela les bassesses qui y sont, qu'il se méprise, parce que cette capacité est vide, mais qu'il ne maîtrise pas pour cela cette capacité naturelle, qu'il se haïsse, qu'il s'aime. Il a en lui la capacité de connaître la vérité et d'être heureux, mais il n'a point de vérité ou constante ou satisfaisante. Je voudrais donc porter l'homme à désirer d'en trouver, à être prêt et dégagé de passion pour la suivre où il la trouvera. Et sachant combien sa connaissance s'est obscurcie par les passions, je voudrais qu'il haïe en soi la concupiscence qui la détermine d'elle-même, afin qu'elle ne l'aveugla point en faisant son choix et qu'elle ne l'arrêta point quand il l'aura choisie.